C'est beau la vie. Quand on c'est beau la vie. Quand c'est signé Gérard Jugnot. Avec Gérard Jugnot. Tout à fait. Alors, bon, il s'agit d'une comédie. Hein. Là, oui, c'est une comédie, on va dire dramatico-comédie, mais bon, ça reste léger quand même dans la majorité du film. Donc, alors, cette comédie, de quoi parle-t-elle? Donc, comme tu disais, c'est par Jugnot et avec Jugnot. Donc, François de Bloch est également un jeune artiste que j'ai particulièrement apprécié et que pour ma part, c'est bon, je ne connaissais pas. Le jeune garçon, le jeune homme qui joue dans le film aux côtés de Jugnot. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est lui qui reçoit le cœur du fils en fait. Hein. Donc il y a également des actrices connues comme Isabelle Mergault qui joue un rôle un petit peu différent de ce qu'elle joue d'habitude puisqu'elle joue la maîtresse entre guillemets de Gérard Jugnot. Et puis il y a également Gaïa Veist. Alors l'histoire, Loïc Le Talec, Gérard Jugnot en l'occurrence, ex-pilote de rallye, ne s'est jamais vraiment occupé de son fils. Quand ce dernier disparaît dans un accident de la route, Loïc est dévasté. Il n'a plus qu'une idée en tête, retrouver celui qui vit désormais avec le cœur de son fils. Ce qui n'est pas évident, parce qu'en général, c'est très cloisonné. Donc, bon, c'est un petit peu une improbabilité, mais bon, c'était pour le film. Donc, il va tomber donc, sur Hugo, le fameux François de Bloch dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein, qui est très, très bien. Donc, alors, un jeune, ce cœur tout neuf, lui, qui attendait une greffe du cœur. Donc, avec ce cœur tout neuf, il est totalement déraisonnable et incontrôlable, forcément, puisque jusque-là, il a été obligé de ne pas faire d'efforts, de ne pas faire ceci. Il ne pouvait rien. Il ne pouvait rien faire. Alors donc, évidemment, jeune homme qui a une vingtaine d'années... Il se sent invulnérable avec ce nouveau cœur. Il se sent invulnérable. Alors c'est là que justement, ça devient amusant parce que lui se sent invulnérable et fait un petit peu, on va dire, tout et n'importe quoi. Et Gérard Jugnot, donc, qui lui a tout fait pour retrouver son fils quelque part à travers le cœur. Il veut le surprotéger, du coup. Il lui veut le surprotéger. En plus, il y a un choc des générations entre Gérard Jugnot, qui est de l'ancienne génération, et puis De Bloch, qui lui fait la... nouvelle génération, donc c'est assez fantastique. Alors, Jugnot est venu donc au Pathé, hein, donc à Orléans, le 15 mars, jours. Tout à fait. Et donc au Pathé, donc Place de Loire, puis à l'interview, voilà, tout à fait, Orléans, donc à l'interview de Gérard Jugnot, cette interview était spéciale presse. Donc du coup, on est vraiment... Et Radio Arc-en-Ciel était là-bas. Mais bien sûr, Et donc, alors, qu'est-ce qu'on a pensé? Donc, alors, je vous rappelle le titre du film, c'est beau la vie quand on y pense. Alors, juste un aparté, donc, cette occasion, parce qu'il est également question d'une Renault Gordini dans le film. Donc, on a pu voir exposer juste Place de Loire, devant le Pathé, à Orléans, une Renault 8 Gordini. Mais celle-ci, c'était vraiment celle d'époque, et donc, elle était exposée à l'extérieur. C'est pas celle qui a été utilisée pour le film. Non, parce que pour le film, ils étaient obligés de démonter certaines parties de la voiture à cause des caméras, pour les positionner, etc. Donc, ils n'avaient pas la Renault 8 Gordini d'époque, mais elle était superbe. En plus de ça, Gérard Jugnot est adorable parce qu'il, bon, à chaque fois, évidemment, qu'il y avait un journaliste, alors France 3, vous pouvez monter dans la voiture, vous pouvez redescendre. Il a joué le jeu. Et Dieu sait que la Renault 8 Gordini, je peux te dire, c'est bas. Hein. Alors moi, j'en parle en connaissance de cause. Et Marie-Claire, comment tu reconnais une Gordini ou pas? Comment ça? Une voiture Gordini, c'est une vraie, c'est une pas assez, c'est quoi? C'est parce qu'il nous l'a dit. Moi, tu sais, j'ai une confiance. C'est pour ça que je dis ça. Parce que je te connais en voiture, c'est pour ça que je te dis ça. Non, puis elle est bleue, c'est écrit dessus. Elle était bien bleue, elle avait deux bandes blanches. Elle est exactement. Ah, c'est une bonne alors. C'était écrit dessus. D'accord. Alors pour en revenir donc à Gérard Jugnot, il est arrivé très décontracté. Bon, bien sûr, c'est normal, hein, compte tenu du nombre d'interviews qu'il a effectuées. Ambiance tout à fait différente par rapport à ce que nous avions pu voir la veille. Pour Amsterdam, donc, pour Amsterdam, c'est certain. On n'est pas dans la même génération. Non, là, on n'est pas du tout dans la même génération. Non, tout à fait. Et puis ça se ressent. Par exemple, les jeunes équipes, les selfies, bon, ça se fait comme ça, naturellement. Tout juste si on ne leur tombe pas dans les bras et puis pouf, gentiment, ils se prêtent à la photo. Jeunes, c'est naturel. Gérard Jugnot, j'ai pas osé, pourtant je suis assez gonflée, mais là j'ai pas osé faire un selfie avec lui. Et les lui. Autres journalistes qui étaient présents non plus. Non plus. Non, par contre, on a fait des photos, on va dire non selfie mais normal, et là il s'est prêté tout à fait au jeu. Il a même été plutôt drôle, faisant semblant de conduire devant l'affiche, etc. Donc vraiment c'est super. Donc il est, on le rappelle, acteur dans le film. Et il est également réalisateur, hein. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce film? C'est que, bon, la philosophie du film, ce qu'a voulu montrer donc Gérard Jugnot, c'est qu'à partir d'un malheur, donc la mort d'un être aimé, le pire dans la vie, mais la vie peut rebondir et repartir au travers d'un autre jeune. Mm-hmm. Finalement, le cœur et le fils ne sont pas tout à fait morts, ou du moins ils ne sont pas morts pour rien. Voilà. En fait, il va se raccrocher à ça en tous les cas. Il se raccroche à ça, exactement. Puis il apporte, bien sûr, à travers cette histoire, tout ce qui est thème de la transmission. Alors, vas-y. Et une certaine poésie, je trouve. Ah oui, tout à fait. Il y a une certaine poésie. Je vous dis, c'est on est ému, on rit, on pleure aussi. Enfin, moi, j'étais la seule à pleurer, mais bon, je pleurais quand même. Donc, ces deux personnages que tout oppose vont après bien des péripéties reprendre goût à la vie en fait, et chacun ensemble, puisqu'ils se redécouvrent ensemble. Et donc ce François de Bloch qui, j'insiste, ça fait trois fois que je vous le dis, mais c'est vous dire à quel point j'en suis convaincue, donc la personne qui a reçu, enfin le jeune qui a reçu le cœur joue merveilleusement bien. Donc d'ailleurs Gérard Jugnot nous expliquait qu'il a tout de suite eu le coup de cœur lors du casting, parce qu'en fait ce qu'il a apprécié dans cet acteur, c'est qu'il savait tout autant être attachant et sympathique que balancer des vannes. Donc toujours l'opposition, le rire, les pleurs, la vie, la mort, tout est en opposition. Jeune et vieux, donc Jugnot et le jeune. Il y a un côté sans filtre, d'un jeune sans filtre qui est assez, tout à fait, voilà, tout à fait. Tout sort, le bon, oui. Exactement. Et puis on retrouve donc des goûts modernes, et puis la nostalgie du passé, le rire, les larmes. Le côté intransigeant du jeune qui va. Voilà, exactement. Et Jugnot qui se passe en boucle, Road on the Road Again. Alors que le jeune, lui, ça lui passe carrément au-dessus de la tête. Alors, un dernier petit truc que je vous donne. Alors, une anecdote, parce qu'on a demandé s'il avait des anecdotes sur ce film. Oui. Donc, il tournait alors une partie du film en Bretagne et une partie du film dans le midi vers Toulon. Et en Bretagne, pourtant, c'est connu, il pleut quand même pas mal. Ah. Eh ben non, là, il n'a d'accord. pas plu pendant Toulon, un mois. Oui. Pendant un mois. Eh oui, la Bretagne, il n'y a pas toujours de la pluie. La preuve, pendant un mois, ils ont été obligés de faire de la fausse pluie. Ah, ça, c'est original, effectivement. Et dans le midi, eh ben, ils attendaient du vent, il n'y en avait pas. Donc la même chose, ventilateur et compagnie. Donc c'est ce qui fait un petit peu le drôle de la vie d'artiste et de réalisateur. Alors, un petit tuyau aussi que nous a confié Gérard Jugnot. Bon, pas tout de suite, mais c'est quand même dans les tuyaux. C'est qu'il aimerait donc faire un polar. Alors, l'accueil du film, bien sûr, on le perçoit quand on assiste aux avant-premières. Alors, c'est très encourageant et le public rit encore plus que Jugnot ne s'y attendait. Donc, je vous encourage réellement à aller le voir dès le 12 avril, date de sa sortie au cinéma. Eh bien, on y sera à partir du 12 avril pour découvrir C'est beau la vie quand on y pense. On découvre tout de suite la bande originale du film. C'est signé Mickey 3D. C'est beau la vie quand on y pense. Mickey 3D sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 à Arles. Regarde un peu.